de retour à la commission Saint-Onge. Il fait beau, fait soleil, on est heureux, on veut que ce soit beau, propre. Mm-hmm. Et je dis bien propre, JD, parce que... Parce on que... veut pas qu'on a... On n'a plus le droit d'arroser à Garnotte. Non, c'est ça. Et l'asphalte dans nos entrées. Ben, c'est sûr que la Garnotte. Ouais. La Garnotte, et j'ai une grande révélation pour vous ce matin. J'ai fait des recherches. J'ai mis toute mon équipe de recherchistes là-dessus. Scientifique. J'ai consulté des botanistes. Et je suis arrivé à la conclusion incontournable. L'asphalte, ça pousse pas. Alors, arrêtez de l'arroser, ça ne pousse pas. La Garnotte ne pousse pas non plus. Ah ben, tabarouette. Ouais. Le conseiller Claude Millette qui a proposé de ne pas interdire complètement, en fait, l'arrosage d'entrée. Comme quoi, il n'y a pas juste la rivière des Outaouais qui fait des vagues jusqu'à Montréal. Il y a Patrick Lagacé qui en a parlé dans son blog et ensuite dans un article qui a été publié hier dans la presse, je pense. Et c'était assez intéressant de remarquer qu'il se payait la tête, en fait, de Claude Millette, mais de façon sarcastique. Son article s'appelait « Le droit inaliénable d'arroser son asphalte ». Monsieur Millette il a aussi proposé d'établir un système de permis pour l'arrosage de notre entrée. Tant qu'à parler de gaspillage et d'eau, si tu permets, je vais verser dans la Philopop à Saint-Saëns. Serais-tu contente, Marie-Lou, d'apprendre qu'on vit dans une société où on a besoin d'un permis pour arroser son entrée, mais qu'on n'a pas besoin de permis pour avoir un bébé élever un enfant? Et ça, c'est assez spécial. Et on n'a pas non plus besoin d'un permis pour élever les enfants. Et là, je fais référence aux garderies qui sont non subventionnées. On avait déjà parlé de ce dossier-là, comme quoi tu avais qu'à téléphoner, puis c'est bon, OK, ben, tu peux garder des enfants. Avons-nous besoin de rappeler aussi que c'est à Gatineau qu'on a retrouvé beaucoup de marijuana dans une de ces CPE-là? Voilà! Remarque, les enfants dorment très bien après ça. Alors, c'est exactement de ça dont on a besoin. Une chose de plus à bureaucratiser, on va mettre des permis comme ça. Et tant qu'à y être, vous savez, les petits fusils là, qu'on visse au bout de notre petit boyau d'arrosage, il va falloir un registre pour ça, c'est important. Alors, le registre d'armes à eau de Gatineau, ça va coûter 2 milliards. Okay? C'est pas pire, ça. Alors, étant donné qu'on n'aura plus le droit d'arroser son entrée avec de l'eau, que va-t-on faire, je te le demande? Un balai, ça fait la job, là. Ça pourrait faire la job, mais j'ai encore mieux qu'un balai. Attention, trois propositions ici. Premièrement, les entrées, arrosez-les avec du jus de tomate. Ça éloigne les moufettes, évidemment. Et avec un petit peu de sel de céleri, c'est délicieux. Deuxièmement, il en reste sirop d'érable, si vous en avez dans votre frigo. Ben oui, à 10 piastres la canne. Oui, c'est ça. Ça coûte un petit peu cher, mais... Vous avez plus de mouches, vous avez plus de ratons laveurs dans votre entrée parce qu'ils sont tous pognés dans votre entrée. Alors, sur votre cour en avant, absolument plus de bibites. Et d'ailleurs, c'est bon. Si vous êtes chanceux, il y a autre chose aussi qui va être prisonnier ou prisonnière de votre entrée. Le petit couple weird qui passe dans toutes les rues de Gatineau avec une vieille vanne puis un gros trailer pour fouiller dans les poubelles des gens le jour des vidanges. Si tu connais pas ça, Marie-Lou, c'est... Oh non, mais attends, je les vois à l'œuvre. Attraction à Gatineau. Je sais, mais je les vois souvent à l'œuvre l'été, là. Ouais. Moi, j'habite dans un quartier de banlieue, de banlieueuseux qui arrosent justement leur asphalte. Exact. Et à chaque année, on les voit passer, ces gens-là. Subtilement, tôt le matin, 7h30, on voit une vanne et une petite... Tant mieux, ils reprennent le vieux pour faire... Ils recyclent, c'est ça, exactement. Et troisième et dernière proposition, protégez votre entrée, couvrez-la avec quelque chose que la ville de Gatineau a récemment eu pour pas grand-chose, des pantalons des policiers de Gatineau. Alors, ça protège mais tu sais, ton idée de mettre ça dans les nids de poule, là? Ouais. Ben... Il y a un conseiller municipal en Grande-Bretagne qui a fait cette proposition aussi. Alors, il écoutait la commission Saint-Onge. Non, non, il a pas proposé les pantalons, là, de, non. Non, mais il parlait des nids de poule. Ah bon? Puis il disait, on a un problème de vitesse, en Grande-Bretagne. Arrêtez de réparer une poule. Ah, mais c'est superbe. Mais il a vraiment passé une résolution au conseil puis tout, là. OK, mais ça a été adopté? Non. OK, une chance. Non, les autres, ils ont dit, OK, t'es con. Ouais. T'es juste con. Fait que je veux juste vous dire, Gatinois et Gatinoises, que quand on se compare, on se console. Alors, il n'y a pas juste finalement Gatineau où des fois, il y a des propositions bizarres. Non. Tu sais, des fois, il y a des petits clowns partout. Détail que j'ai remarqué aussi dans les commentaires de Patrick Lagacé, et ça, je pense que ça va toucher un petit nerf dans ton cas, parce que ça touche à la question, est-ce qu'on peut être plus vert que vert? Il y a beaucoup de gens qui adhèrent à une nouvelle philosophie qui veut que les écolos, c'est comme une espèce de mafia. Ils prennent trop de place, ils sont trop puissants. Et il y a de ces anti-écolos-là qui ont lancé un message à Patrick Lagacé, ils n'ont pas compris que son article était sarcastique. Alors, ils ont dit « Yes, sir, Lagacé, enfin, tu donnes une claque d'en face aux écolos intégristes. » Ouais, là... Pardon? Les écolos ont-ils gagné quelque chose, puis je le savais pas? Question, si les intégristes écolos sont si puissants et si menaçants, comment ça se fait que la planète est aussi maganée, tu sais? Mm. Alors, je pense pas nécessairement qu'on est dangereux. Et d'ailleurs, quand le Parti vert va battre le Parti libéral ou conservateur, là, on pourra commencer à on criera victoire! C'est ça. Non, mais... Ouais, mais ça, là, l'affaire là, d'être plus vert que vert, là, c'est une chose. Parce que oui. Des fois, là, c'est moi, je suis pro-environnement, ça, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que t'es habillé en vert aujourd'hui, d'ailleurs. C'est vrai, hein? Je porte le vert fièrement aujourd'hui. Mm-hmm. Mais en même temps, il faut aussi se rendre à l'évidence que des fois, c'est peut-être un peu difficile. Puis il y a peut-être une limite aussi à vouloir être green. Tu sais, il y a green puis green. Des fois, j'ai l'impression qu'on veut être green parce que c'est populaire. Ouais. Ou des fois, il y a des compagnies qui se disent green alors qu'elles ne le sont à peu près pas. C'est que c'est vendeur. Hein? Ben oui, ben c'est ça. Mais en même temps, je me réjouis de savoir que c'est vendeur. Oui. Parce que il y a 20 ans, que tu sois green, au contraire, ça avait un effet dissuasif. C'est sûr que depuis la crise économique, le côté vert est un peu moins sexy qu'il était en mise en marché, parce que là, on n'a plus les moyens d'être vert, mais ça reste quand même aussi vendeur que... Ben, ça dépend. De plus en plus, les groupes environnementaux ont compris quelque chose. S'ils veulent que les gens deviennent green, va falloir que ça passe par les poches. Exactement. Et ça, de plus en plus, on le voit. Et quand la solution est écologique est aussi économique, ça fonctionne. Quand on parle d'efficacité énergétique, il y a quelques années, l'efficacité énergétique, on s'en contrebalançait. Exactement. Mais maintenant, on investit, on met de l'argent là-dedans parce qu'on sait qu'en bout de ligne, financièrement, on va en retirer des bienfaits et qui plus est, c'est bon pour l'environnement. Dans les 10 dernières années, il y a eu quand même un changement. Oui. Les ampoules éco-énergétiques, les recycleurs de crème Budweiser et tout ça. Alors, on est bien contents. Et d'ailleurs, un petit message à Monsieur Miette, rassurez-vous quand même, la ville demandera pas aux citoyens de laver leur vaisselle avec de l'eau de pluie. Alors, on n'ira pas jusque-là. On va pas obliger non plus l'arrosage de la patinoire de l'aréna Bob Guertin avec de l'eau de fossé. D'ailleurs, un remusqué mort, ça te fait trébucher pas mal un joueur de hockey, surtout s'il y a des cataractes. Et achetez-vous un bon balai, Monsieur Miette, et acceptez de mordre la poussière, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, si vous insistez à rester trop sur votre position, je propose qu'on commence à vous appeler Clyde ou Clade Miette, parce que vous ne méritez pas que votre prénom comporte la syllabe O. Je passerai là-dessus une motion à la ville. Et deuxième chose, et là, c'est à la population que je m'adresse et je termine là-dessus, citoyens de Gatineau, maximisez l'usage de votre boyau d'arrosage pendant que c'est encore légal, parce que ça s'en vient, là, bientôt l'interdiction. Arrêtez d'arroser votre entrée et allez arroser Monsieur Miette. Là-dessus, je te dis oui. Mais il annonce chaud aujourd'hui, alors ça va lui faire du bien. Quand Je sais, petit tour de bateau prévu cet après-midi. Hey, ah, ouais, toujours un plaisir de te recevoir. Ne lisez pas ce blog.com. Yes. Ciao. Bye.